en est vu un militaire. Maintenant, il est en prison, car il en a eu marre de faire ce que les autres font sans raison. Pour vous, c'est un perturbateur qui détraque votre machine en route. Mais quand donc viendra l'heure où votre machine sera sans déroute. Je déteste tous les uniformes et les guerres sous toutes ses formes. L'armée ne sert qu'à emmerder et à faire des choses et sacrifier. Elle ne fait que me voler les vies. La mienne peut-être et celle de mes amis. Je ne veux plus en entendre parler. C'est une chance pour les saigner. Les généraux reçoivent des médailles sur le dos des gens qui meurent. Ils n'ont jamais fait une bataille, mais pour ça on leur fait des fleurs. Ils ont donné leur vie pour l'armée, ils ont donné leur vie pour tuer. Ils ne sont pas parents ces gens, ils ne connaissent pas les sentiments. Il y aura une guerre, les enfants ignorent leur père, qui sont partis au combat, sans même avoir demandé pourquoi. Tout ça parce que les généraux veulent encore avoir des fonds. Croyant quand ils te diront vas-y, tu leur répondras jamais non merci.